Oh. On a parlé avec Benjamin Saint-Just qui sera possiblement repêché des Golden Gophers du Minnesota. Là, il y a un autre joueur qui est issu du Québec qu'on a parlé au cours des derniers jours. Ben, Bruno Labelle qui est un allié rapproché qui joue avec les Bearcats de Cincinnati a des chances d'être repêché également. Question de savoir, un peu plus d'une semaine du repêchage, on lui parle. Salut Bruno! Bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bruno, à une semaine là, du repêchage de la NFL, comment tu entrevois ça? Écoute, je pense que c'est vraiment bien excitant. J'attends avec impatience. Puis, alors, je suis très heureux de pouvoir être ici avec ma famille. Puis, comme tu dis, regarder le draft dans une semaine. OK. Si on parlait un peu de ta des équipes, est-ce que tu as eu des pourparlers avec certaines formations? Oui, j'ai parlé après. La majorité des équipes, je dirais. OK. Quelles sont les équipes? À peu près, est-ce que les Pats sont là-dedans? Quelles sont les équipes qui ont été qui ont montré le plus d'intérêt avec Bruno Labelle? C'est dur à dire plus une qu'une autre, je dirais, mais comme je te dis, j'ai parlé à peu près une vingtaine d'équipes depuis le début du processus. Donc, il n'y en a pas. Je veux dire, les relations dépendent un peu d'équipe en équipe, mais j'ai pas une équipe qui me parle plus que d'autres. Si tu veux, je suis en contact avec beaucoup d'équipes, puis je vais voir ce qui se passe le Toi, 29 mai. Ouais, t'as évidemment, parlé. c'est plus intéressant d'être repêché, mais est-ce que tu t'attends plus à être repêché ou avoir un contrat avec d'agent libre après le repêchage? Honnêtement, écoute, c'est dur à dire. Depuis le début du processus, c'était plus ça s'enlignait plus pour me faire signer en tant qu'agent libre. Après le repêchage. Les chances que je me fasse sélectionner dans la sixième ou septième round sont possibles. Mais encore une fois, c'est rendu dans les rounds un peu plus tard du draft, c'est dur à prédire. Donc, on va voir ce qui va se passer. Dans les deux cas, je pense que je vais avoir l'opportunité de joindre une équipe. OK. Bruno, si on parlait un peu il n'y a pas eu de combine ou ton pro day, comment c'est, pas pro day, mais je veux dire un genre de combine virtuel, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est quand même bien été? Oui, ça a été, on a eu un Pro Day à Cincinnati le OK. 31 mars. Donc, il y avait, je pense, 29 ou 30 équipes qui étaient présentes. OK. Donc, on a eu la chance de performer devant la majorité des équipes. Ça s'est bien passé en général. J'ai eu une bonne journée, puis j'ai eu des bons commentaires, des bons feedbacks sur les équipes. OK. Le fait que vous avez connu une bonne année également avec les Bearcats, ça a dû aider aussi, parce que j'imagine que les dépisteurs se sont rendus plus encore au match des Bearcats. Non, c'est sûr, je pense que un succès d'une équipe, ça attire l'attention de la NFL, Ouais. c'est sûr et certain. OK. Est-ce que la Ligue canadienne est une possibilité pour Bruno Labelle? Oui. Écoute, Ouais. je suis ouvert à la CFL. Si jamais il y a quelque chose puis la NFL ne fonctionne pas, je vais être ouvert à jouer à la CFL. OK. Ben Bruno, on va te souhaiter la meilleure des chances. J'aimerais t'en reparler après le repêchage, si c'est possible, pour voir un peu avoir tes commentaires. Ben oui, pas de problème. Et Bruno Labelle, des Bearcats de Cincinnati, qui a une chance d'être repêché par une équipe de la NFL.